Bonjour, je m'appelle Camille et là je suis avec ma maman au parc à Uriménil, en face d'une salle polyvalente ou je sais pas trop là. Et puis là je suis en train de manger, je viens à peine d'arrêter et je suis en train de faire un essai parce que ma maman elle m'a dit que je pourrais peut-être essayer de faire une émission de radio, donc c'est-à-dire un podcast. Et puis je suis très heureuse, j'habite tout près de ce parc. Puis aussi des fois, en ce moment, j'étais en train de faire des dessins pleins pour l'anniversaire de mon papa, parce que c'est vendredi, normal. Et puis, mais sauf qu'on va le fêter dimanche, et puis, parce que je suis très forte pour ça. Et puis là, ben, je suis en train d'y penser encore, puis je suis toute émue. Mon cœur, il bat fort. Il fait poum, poum, poum, poum. Et puis je suis très contente du coup. Puis aussi des fois je m'amuse à... Ma maman des fois elle s'amuse à fabriquer des habits pour mes doudous. Puis là j'avais été très contente. Puis aussi des fois je joue un peu avec mes doudous. Puis je fais comme s'ils étaient vivants tout le temps. Mais par contre je suis un peu triste parce que mon doudou préféré que j'ai eu quand j'étais tout bébé, eh ben il a l'oreille déchirée. Mais je suis très contente quand même. Mais... aussi, j'ai un autre doudou qui est un tout petit peu troué, mais maman, elle me l'a recousu. Et puis aussi, j'ai un doudou sirène et sa queue, elle est trop belle. Et puis, ses cheveux, ils sont tout doux. J'ai plein de choses douces. Et puis aussi, ben, moi, j'ai fait une carte de loto en papier. Puis aussi, j'ai fait un origami. Et l'origami, là, c'est un bracelet. Et puis, moi aussi, moi, j'ai... là, j'ai des très belles chaussures que ma maman m'a achetées. Puis je rigole tout le temps parce qu'elle m'appelle plein Boule à Facette. Donc ça me fait plein rire. Et pourquoi je t'appelle Boule à Facette? Parce que mes chaussures, ben, elles brillent plein. Donc du coup, puis une boule à facette, ça brille. Donc ça ressemble à une boule à facette. Du coup, elle m'appelle Boule à Facette. Puis aussi, ben là, je suis vraiment très émue parce que c'est pour toute la première fois que je parle dans un podcast, pour faire un podcast. Et puis du coup, moi je suis très nerveuse. Et puis surtout que là j'ai le grand sourire, c'est vraiment pour toute la première fois. Donc j'ai jamais fait ça. J'ai juste des fois pour envoyer des mots à quelqu'un, c'est tout. Mais autrement, c'est la première fois que je fais ça pour faire un podcast. Puis du coup, ben, je sais pas comment dire, mais je suis très contente. Et dis donc, tu étais très très bavarde, ma chérie d'amour. Oui, je sais, ça c'est vrai. Alors, dis voir aux gens, quel âge tu as? Alors, j'ai 6 ans et demi, vu que du coup, j'ai très bientôt 7 ans, vu que mon anniversaire, c'est le 31 août, en 2011, c'était. Donc, c'est dans vraiment pas longtemps, du coup. Puis aussi, je suis très émue. Puis aussi, j'arrêtais pas de dire à mon papa que je voulais faire mon anniversaire quand on allait partir en vacances. Parce qu'en fait, c'est la deuxième fois, mais on va partir en vacances en Bretagne. Donc c'est la deuxième fois. Et là-bas, c'est trop beau. Puis j'ai toujours voulu voir des dauphins. Puis aussi, je suis allée à un aquarium. Mais peut-être que maintenant, je pourrais peut-être en voir des dauphins. Parce que c'est mon animal préféré. T'es vraiment très bavarde, ma chérie. T'es comme ta maman. Divoire, tu veux continuer à raconter ta vie ou on fera un autre épisode ou on va jouer au parc? Parce que là, on est au parc, on était là pour jouer, d'accord? Oui, raconter encore. Là, tu parles comme un bébé. Tu parles très très bien, c'est très impressionnant, ma chérie, d'accord? Je suis très impressionnée que tu aies déjà compris le principe du podcast et tout. Tu dis le mot podcast alors que je te l'ai dit la première fois pour il y a 5 minutes. Tu me disais c'est quoi un podcast et donc les gens vont être très impressionnés de ta façon de parler. Mais ils vont pas être étonnés parce que vu que moi je parle très bien, mais toi tu parles très bien. Mais c'est pour ça que je voulais te faire essayer. Normalement c'était juste pour faire un essai. Mais là tu parles tellement bien, tu racontes tellement bien que je vais le publier et que demain tout le monde t'entendra. Je veux continuer. Oui, mais ma chérie d'amour, tu vas être pire que ta maman, tu vas être accro au podcast. Donc on va faire une pause parce que tu parles tellement que... Après tu vas avoir soif et on va faire une petite pause parce que sinon tu vas plus jamais t'arrêter. Puis sinon on pourra plus faire des épisodes parce qu'un podcast c'est comme des épisodes. Donc il faut faire des épisodes. Donc... tu vas, on va dire, conclure. Donc, c'est-à-dire que tu dis un mot gentil, comme tu dis au revoir, et puis on va aller jouer, et puis on refera un autre épisode plus tard, d'accord? Ouais. Au revoir, j'ai vraiment aimé ce moment avec vous. Au revoir, je vous dis au revoir. Vous avez vu? Elle est extraordinaire. C'était juste... surtout que... Surtout qu'elle, elle est très bavarde, mais je l'adore. Et puis, là, je suis en train de bavarder, mais blablabla, j'ai vraiment pas envie d'arrêter, mais je vais arrêter quand même. Donc, heureusement que je peux faire du montage et que je peux couper. Donc Camille, tu vas jouer maintenant, tu me laisses deux secondes. Donc ouais, c'est énorme, c'est énorme, c'est ma fille, quoi. Ouais, et quand elle est surexcitée, ben voilà, elle se transforme, elle fait appel bébé, elle parle comme ça et tout. Et en fait, je lui ai proposé, suggéré l'idée il y a 10 minutes dans la voiture. Là, elle m'attend sur le tape-cul, sur la balançoire, donc je vais y aller. Et donc, on est dehors dans un parc, comme elle vous a expliqué. Enfin, je pense que voilà, elle est extraordinaire, ma fille. C'est pour ça que je lui ai demandé de dire son âge, parce que c'est un truc de ouf. Et donc, c'est ma fille, quoi. C'est une mini-moi, comme on dit. Et bref, je lui ai parlé de ça il y a 10 minutes dans la voiture. Je lui disais... ça serait bien, j'aimerais bien faire un podcast avec toi, ma chérie, parce que comme je vous disais, j'étais un petit peu à court d'idées. Et j'avais entendu le fils de Coucou Cédric, @gside_fr ou je sais pas quoi, de Mindcast. J'avais dit que j'avais adoré entendre ton fiston parler dans le micro, mais bon, il a 10 ans. Et donc, j'ai expliqué à ma fille, elle avait entendu ton fils. Et voilà, j'avais adoré entendre ton fils, quoi. Et donc, du coup, je te piquais un peu l'idée. Mais voilà, ça m'est venu comme ça, il y a 10 minutes dans la voiture. Je lui dis, tu sais, chérie, j'avais expliqué ce que c'était le podcast il n'y a pas longtemps, parce qu'avant, elle ne savait pas, depuis que j'avais commencé, je ne lui avais pas expliqué. Je montais dans ma chambre, je lui dis, maman, elle enregistre des trucs avec le téléphone, elle fait de la radio, machin, et bref, je n'en avais pas parlé. Parce qu'en général, ce dont je vous parle, ce n'est pas des trucs qu'elle est censée entendre. Et j'arrive, ma puce, 2 secondes, j'explique aux gens. Et moi aussi, je suis bavarde. Et bref, et donc, bah voilà, il n'y a pas longtemps, c'est un peu grâce à toi, en fait, Cédric de G-Side, Cédric de Mindcast, pardon. Cédric Abonnel, allez voir son podcast, Cédric Abonnel, je sais pas quoi, c'est abonnel.fr, bref, Mindcast, et Burger Tech. Et ouais, donc voilà, donc je t'avais enregistré un message privé, il y avait la petite dans la voiture, et donc du coup je lui expliquais en t'enregistrant le message pourquoi je le faisais et comment t'écoutais dans la voiture, j'expliquais qui est-ce que j'écoutais, pourquoi j'écoutais, bref, je lui ai expliqué le principe, je lui ai dit que c'était la radio, pareil, elle a 6 ans, je lui parle encore comme un bébé, je lui dis c'est de la radio, là je viens de lui expliquer la différence entre radio et podcast, et voilà, elle me rebalance, vous l'entendez quoi, elle balance, oui, alors c'est la première fois que je fais du podcast. Elle est incroyable, et encore là, elle fait encore un peu le bébé, quoi. Elle en a encore vachement plus sous la pédale, quoi. Et bref, donc il y a 10 minutes, je dis ouais, ça serait bien, j'aimerais bien pouvoir parler avec toi de trucs parce que ce serait intéressant. Parce que les enfants, normalement, font pas de podcast. Et il y a la petite fille sur transfert, là, sur le transfert de Slate, je crois qu'il y a 11 ans, celle qui rentre au collège. Là, je crois que j'avais vu un commentaire sur Twitter qui disait c'est extraordinaire. C'est toi, Walter Proof. Coucou si t'écoutes, je pense pas que tu m'écoutes, mais coucou Walter Proof, qui avait mis un tweet pour dire que c'était super émouvant d'écouter cette petite, et effectivement, moi je l'ai pas écouté, mais voilà, j'ai vu que des commentaires qui disaient que c'était super émouvant, et j'imagine le truc, mais moi j'ose pas écouter parce que je serais trop ému justement. Et bref, donc tous ces petits trucs, le fils de Cédric et la petite de transfert et tout ça, qui voilà, ça s'est mélangé, le manque d'idées de podcast, et puis voilà, et donc je dis ça à ma fille dans la voiture, ça serait rigolo que je te fasse parler dans mon podcast, parce qu'il n'y a pas d'enfant qui parle dans les podcasts, et ça serait une première, en plus t'es toute jeune, t'as 7 ans, et puis comme t'es intelligent et que tu parles bien, si t'arrives à ne pas faire le bébé, ça pourrait être intéressant, donc voilà, on est là au parc, à faire notre petit goûter machin bidule, et je lui dis, tu te sentirais là d'essayer, juste j'allume le micro, juste on fait semblant pour voir si t'arrives à parler, puis voilà, elle me balance ça, quoi. Donc c'était censé être un brouillon, un essai, et puis finalement, voilà, le premier épisode de Camille, ma fille, dont je vous parle depuis 50 épisodes. Je vous laisse, parce que là, elle me regarde en chaîne fusil, genre maman vient faire de la balançoire. Donc, merci pour votre écoute, votre attention. Et oui, je fais de l'exploitation d'enfants. Mais voilà, je pensais que ça vous intéresserait. Bis, big up à tout. Tu refais un coucou, tu dis au revoir. De loin, crie tout fort. Au revoir. Et là, elle est fin excitée. Allez, bis, ciao, big up à vous, je vous aime, à plus.